et le vent souffle toujours quelque part. Nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais tout le monde peut entendre sa voix.